Mais non, elles sont innocentes, mon ami. Dites-le bien à tout le monde, qu'on ne les inquiète pas à mon sujet. Tout est de ma faute. Je les ai habituées à me fouler aux pieds. Que voulez-vous? Le plus beau naturel, les meilleures âmes auraient succombé à la corruption de cette facilité paternelle. Je suis un misérable. Je suis justement puni. Moi seul ai causé les désordres de mes filles. Je les ai gâtées. Moi seul suis coupable, mais coupable par amour. Leur voix m'ouvrait le cœur. Je les entends. Elles viennent. Oh oui, elles viendront. La loi veut qu'on vienne voir mourir son père. La loi est pour moi. Écrivez-leur que j'ai des millions à leur laisser. Parole d'honneur. J'irai faire des pâtes d'Italie à Odessa. Je connais la manière. Il y a dans mon projet des millions à gagner. Elles auraient demandé à me crever les yeux. Je leur aurais dit, crevez-les. Je suis trop bête. Elles croient que tous les pères sont comme le leur. Mourrais-je donc comme un chien? Voilà ma récompense, l'abandon. Ce sont des infâmes, des scélérates. Je les abomine, je les maudis. Je me relèverai la nuit de mon cercueil pour les remaudire. Je vais aller chercher vos filles, mon bon père. Je vous les ramènerai, dit alors Eugène. Mais vous les avez maudites. Qu'est-ce qui a dit cela? Répondit le vieillard stupéfait. Vous savez bien que je les aime. Je les adore. Je suis guéri si je les vois.